nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek avec Anne et Henri. On en est rendu à l'émission 425, Perran à Pem Warnugen. Matré, Henri ? Ja, Matré, Matré. Quel mot on voit aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va voir un mot qui ressemble beaucoup à un mot français, hein, qui est l'éterne. L'éterne ou l'iterne. Ça, on le voit souvent en lieu dit. Hein ? L'éterne, c'est une lanterne. Ah ouais. Ouais, l'éterne, hein. Ou l'iterne, hein, donc c'est un mot donc il y a un pluriel, c'est un mot masculin, donc qui est équivalent au français lanterne, et donc il y a un pluriel régulier, l'éternio ou l'iternio. Alors je me souviens d'une histoire qu'on racontait par ici, ça se passait à Kergrismoëlou, c'était un agriculteur, un cultivateur qui avait appelé le vétérinaire, c'était pendant la guerre, pour aller voir une bête qui était malade. Et donc, arrivé sur les lieux, c'était la nuit, donc l'agriculteur avait conduit le vétérinaire à la lumière d'une lanterne. Et puis, le vétérinaire examine la bête, et le vétérinaire ne savait pas le breton. Alors, l'agriculteur lui dit « Je tue ». Alors, il dit le vétérinaire « On peut la sauver ». Mais non, il dit pas la vache, la literne. Donc, voilà, la literne. Donc, c'était le mot breton, bien sûr, literne. Alors, comme je le disais, c'était prononcé literne, hein, liternou, hein. Et il y avait un autre mot, on en reparlera tout à l'heure, qui était phallo, hein. Parce qu'en général, plus anciennement, c'était des lanternes avec des bougies, hein, autrefois, avec... quatre vitres là, mais après on avait fabriqué des lampes tempêtes à pétrole, ouais. Voilà, et c'est ça qu'on appelait aussi literne, hein. Voilà. Et alors ce mot literne a eu un certain succès, puisque bon, en français il y avait la lanterne magique, qui était un appareil de projection, un peu comme un projecteur de diapo, mais de projection de vue au 19e siècle. Et il y avait des gens qui allaient faire ça dans les villages, des projections de vue à la lanterne magique. Et ces gens-là, on les a appelés des terres magiques. Mm-hmm. C'est venu de là. D'accord. Les terres magiques, c'est devenu à la fois... c'est tout ce qui est dans... Finalement, aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le spectacle. Ça a été le cinéma, même à un moment donné. Voilà, l'iterne. Alors, ce terme de l'iterne avait des sens figurés, par exemple... On disait literne pour l'œil, hein, pour l'œil de la personne, hein, un peu comme on dit les phares aussi des fois, hein, literne. Hein. Et puis aussi pour la connaissance. Hein. Par exemple, on disait "Hen de literne à Gergolow". Celui-là, il a la lanterne et la lumière. C'est quelqu'un qui avait des capacités intellectuelles. Voilà, et pour le sens contraire, évidemment, c'était quelqu'un qui n'en avait pas, ne ce que calze l'iterne. Voilà. Alors, il y avait des expressions, alors l'iternique, c'est un lanterneau, petite lanterne. L'iterne rue, c'était dans les villes, hein, un lupanar, un bordel, quoi, une maison close. Parce qu'à l'époque, autrefois, il fallait obligatoirement une lanterne rouge pour annoncer ce type d'établissement. Donc, les fameuses maisons closes, quoi. Literne rue, quoi. Alors, des mots dérivés, literneur, hein, le lanternier, qu'on appelle aussi le lampiste, hein. Dans les trains, il y a beaucoup de lampistes comme ça. Et le lampiste c'est souvent désigné comme celui qui est le bouc émissaire, finalement, hein. On dit s'en prendre au lampiste. Hein. Voilà, literne. Hein. Alors, comme je le disais, ici, on n'employait pas beaucoup. À Pemrite, j'ai pas souvent entendu. J'ai entendu, comme je le disais, à Kergrist, on disait ça, literne, quoi. Et ici, on disait plutôt alors phallo, quoi. Et depuis que j'étais gamin, j'étais impressionné par le phallo, parce que ça fait une lumière qui est pas du tout comme une pile. Ça fait une boule de lumière et un groupe de personnes qui avancent dans cette boule de lumière, là. Et j'ai toujours trouvé ça très poétique. Je me souviens très bien, en mon enfance, le grand-père qui portait le falot, et puis on était tous les cinq ou six là, de la famille dans la bulle de lumière, quoi, qui avançait à travers champs. C'était assez étonnant, quoi. Voilà. Alors, il y a encore une fabrique à Nantes, hein, qui fabrique des lampes tempêtes. Ah ouais? Oui. Comme ça, quoi. Donc, on peut reconstituer cette époque-là, quoi. Voilà, et ben, on a peut-être éclairé notre lanterne. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission. Brezhoneck t'en m'attend. Bon, alors, aujourd'hui, ben, c'est un peu la mode de fêter les anniversaires. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant de dire que notre émission Aide en prison a 10 ans. Donc, elle avait été lancée au mois de mai 2004. Donc, en fait, on avait eu envie de faire une émission pour donner envie aux gens d'apprendre le breton. Pas un cours de breton, mais une émission comme ça, plaisante, amusante, où on ait envie de... qui donne envie aux gens d'apprendre le breton, puis qui leur apporte aussi, bien sûr, du vocabulaire. Donc, on avait travaillé cette question avec Josette Duvivier, qui était bénévole à la radio, qui est toujours d'ailleurs, et on était venu assez vite à la structure en trois parties, donc Guériou-Hervu, donc l'idée c'était de prendre un mot ou une expression, et puis de la décliner sous toutes ses formes, enfin, toutes ces formes, ce qu'on pouvait connaître en tout cas, et donner des exemples contés, racontés, chantés même parfois. Et voilà, donc cette première partie, Guériou-Hervu, les mots de la vie. Alors on était parti sur des mots simples, d'ailleurs on est toujours là-dedans, hein, puisque bon, on est à la 425e émission. Hein. Et Henri a toujours de l'inspiration. Bah oui, parce qu'il y a moyen d'en trouver beaucoup. Mais on reste toujours dans des mots relativement simples ou alors dans des néologismes qu'on entend beaucoup maintenant. Et donc, bon, j'essaie d'en parler aussi, quoi, pour enrichir un petit peu notre vocabulaire à tous. Et puis, après cette partie, on avait imaginé de faire des dialogues, hein, donc Brezhoneck t'en m'attend, des dialogues de la vie courante, de la vie simple, hein, dans un village... qu'on avait imaginé, qui est donc Zantolek. Alors c'était un peu l'idée de... Bon, ça s'est déjà fait, hein, Pierre-Jacques Zélias avait inventé Kerry Bilbins. Hein, donc c'était un peu le même principe, donc un village, Llantolloc, qui se situe pas loin d'ici, hein, puisque le lieu existe vraiment. Il y a pas tout ce qu'on y raconte, mais enfin il y a un lieu qui existe quand même, donc il est entre Henri V, Pembrite et Trémargat. Et donc dans ce village de Llantolloc, ben il y a encore beaucoup de gens, hein, et puis bon, il y a une école, il y a un recteur, il y a une église, il y a des commerces, il y a un boulanger, voilà, il y a une mairesse qui a été réélue d'ailleurs. On n'en a pas parlé, mais bon, il va falloir qu'on en reparle. Oui, elle a été réélue, donc dernièrement, et voilà, et donc il se passe des choses, les gens parlent, et tout le monde parle breton là-bas, même les Anglais, hein, qui sont arrivés récemment et qui ont appris le breton. Voilà. Et puis, alors ensuite, on avait pensé faire une petite chronique. Une petite chronique en breton assez facile, qu'on a appelée Petrazone Vervro. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le pays? Donc, où on parle d'agriculture, d'économie, de politique, de la culture bretonne, des disques qui sortent, voilà, des petites choses comme ça, quoi. Avec des phrases qu'on reconnaît à chaque fois. Avec des phrases, oui, c'est ça, oui. Alors, l'idée aussi de la structure de l'émission et la structure de Petrazone, c'est d'avoir des phrases qu'on retrouve à chaque fois, de façon à ce qu'on ait quelque chose de structuré, quoi. Voilà. Et puis, toujours annoncé par les frères Morvan. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont participé à l'émission, bien sûr, hein. Je vais pas les nommer. Enfin, c'est surtout, le personnel et les bénévoles de RKB, hein. Il y a beaucoup, donc, il y a toute une variété d'accents, de variété de prononciation. Voilà. Et puis, bon, ben, on va continuer. Et puis, je pense que un jour, d'autres gens prendront la relève, quoi. Mais je crois que c'est intéressant d'avoir une émission comme ça et qui puisse initier un peu les gens et leur donner surtout l'envie, le goût. Mais même les gens qui parlent breton aiment bien. Ah, ben, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est à toute. C'est à toute entrée, là, chacun y trouve son plaisir. Et puis voilà, oui. Bon, ben, on va donc passer à la troisième partie. Petrazone Vervro. Petrazone Vervro, Eri. Ben, Petrazone Vervro, calz e draou evel jus boerve e jdiouzan. Krogom dientan evel custum, gandela o bourdouar hag vu e war armez. Ayon bremen ba kreizen, pas ba kreizen nan, me ba kreizen neveant, hag bon glas e en traou, boutora en trevadou, ba parkeia, hag un amzor zo mod betag bremen. Comme ça, mon temps n'a rien de ce labour d'ouar, mais t'as vraiment, ouastert qu'à ce produit ou de brochine, produit ou de ce braise, hein, moins de brochine, t'as square, king mort, péquillier, Hag tant ma tante vraiment ve lusque d'un trog de von oaro, da square vide hit produit et gandar hopper, zo moyen de gaz vraiment de brochine. A zuroar tant ma tante vole d'anne de marase, a zé zo un travard de viel juste vide l'arbre d'ouar breiz. Peven komz de ze kimor, bon, an avenmant de Stalinaf, hein, Stalinaf zo ba pouldreuzik, ba bro vigoud, hag zo kaz le dan ad ar mar ad war bro Japon, hag ba bro Amerika, hag gwell em eus mam eus vo gred bouet vi de kosmonaut de gant enaf, prestik. Hag kaz e bro diou ve lanz ad ar mar emant gant ar Stalinaf, da skouer ve gred pat e gant ba bouet sur rue, hag zo kreñor an tamm vid eo pat e ve gret ba bouez zo glas. Gwell vo pe sa mod vo kont, meus ket betañ ar c'hoaz met jonjon d'ober prestik. War da chen al ar bourdou ar c'hoaz ede war dro ou mar ad un traktor eo. Peudur tre war lan e a blam ed war dro deus tregon. Da skouer ba stal klas, klas zo ba tost ar man, ze nupteur tractorio avec red BMD wardro hunter contractor avec red hein BMD ba classe agro j'ai red dek p d4 ugena bon joar rat krog or maran mais divider mari or maran dik gwalvat comme ça on tombe vraiment de ze nendro qu'est-ce qui ira il y a plus dur waler là pour douar alice mais comme ze de ze nendro. Qu'est-ce qu'il y a vraiment un trident de produits de Brace? Dermat de l'art avec produit de calze trident de Brace, avec une pige de mur vivé, pelle mur vivé, une pige, mais tant m'avait produit, mais tant m'attend me sera un trouaro. Plus dur, vraiment, avec produits de Brace, d'où je dragon de ce trident, avec une pige. A gagnanteur de ce trident, ce produit de Brace, avec produit dans un novel. Puis dur, zo gala que de milino avel, on tombe pebler, d'ortre dan. Hag, a se zo plas vid de le dan an un tro, oas, puis dur, ne que de novel vang breis, an gwell mem ze blam, hag, bon, zo plas de la katre dan, bon, pe vo gred, milino avel, ba pleg mour zan bri, vo produit kalz muur, hein. Bon, vision montant war an endro, ar, quand j'ai les verres, j'ai produit, j'ai moule, j'ai pu dire, vreton, zo didenet, gant un endro. D'asquire, zo gred, un lever ne vaisseau, war un nados yuer, un emprévent, un velard, un gal, hag libellule, hag un du de skian, un lard, odonat, hag zo, wardro, hantorkan, wen de ze londes, hantorkan sort de ze londes, bah, braisam, hag n'en gred o lever bra warze, war un adoz yo eir. Hag l'arbour zo bekas o arog gant le strolat viv ar mor nature. Hag peont komz eus lever yo war nature, zo beskrivet o nel, zo beskrivet gant Pierre Felipo, on den zo ampard war dachen ur stereo hag ur pesket. Ha hez neus gred deja, hez o nan deus rin o akrouet strolad eau et rivière de Bretagne, pempa d'Oigun Lasso, dour Astério Breis, hag neus scrivet déjà eis lever war an dachens, hag vraiment neus gred o lever war nioget, pez velard saumon in galag, hag lever zo haunet, le saumon en Bretagne des siècles d'histoire et de passion. Hag imban de gant ze skol vreiz, a coûtera 3 euros à très grande. Bon, comme ça, mon temps, moi, à d'art et des heures politiques et réserves. Végel, moi, comme ça, des affaires rendez-vous, hein, moi, Rohan me jonge, voir, mot de Zuroir, vos grès de, vos had, trois had, had, divorme de, rendez-vous, puis dur, ouais, le voir un rhum, n'a que d'un trou, voir un tumor, hein. Un DL ou abedo nemvot ba bro Liger velvelar de Pays de la Loire, hag un dilenidin walar an de houlanke de ve fe beten Liger Atlantel des Bro Liger, hag mais egne du vi boustag tout des Breiz. Pet an mant vi long ko Breiz, jentor. Hein. Hag bon, vek komz e kalz de se, bon, zoe doar hont gant de politikourion, pe dur rang trez de nen ke kompren o roaz pet o vret. Ma trezen jonge an bon. E red gotas, me ben ma ve gotas vo gwelet. Hag gwel e val zo oar. Bon, nan ket de gomz de ze votade gyo vid bro Europa, ma trezen ben evegel vo l'ar don tam tra ben ek di war ben ze. Pe so zur, ne gredan ket de vo gwel va den trou. Bon, dan bremañ an tam war dachen ur sevenadur. Bon, pe poezis an tra zo war dachen ur sevenadur, hein, evel just di ar redadeg. Hein. Redadeg zo... On te lance en deux montours, dans le bêta gronwell, quand on a 1050 kilomètres. À 15 kilomètres, on est au bêta de Gwerz, hein. À bon, j'en gèleran, vos, on drava de vide, vide redad, à vos 15 dudes, au heuil. À plan, mais vide, on est, on drava, puis dur, redag, de dremen, dre bourpurut. Pis, ne ce que bigouel, roas. Dremen, so, redadeg, ou, bah, bourpurut, mais pas un redadeg. Hag, bon, jongement, ma, vos grès, d'on tra, benek, des vides, digemer, en dut, ba, bourg purut. Bon, tremenra yve, ba, sani gouden, hein, tremenra, ba, tremalg, hein, bon. On drava, on ma, très vide, vide en vro. Bon. Vichon, mon temps, moi, d'ache, ne z'y vena, dur, ur gela, ou en ur men, ne z'e, imbane, di, niver, en dauhan. Hag, dauhan, niver, en zira, ou bern, trou, hein. A riz neus bet d'astum e kalz a draou. Hag o labour dispar e pezo bet gret gant ar men, bet ve l'arn mat. War dache ne zonerez, vremañ, ur strolad bodad de gezonerien ne jonge de chenj raoum hag bromen volar de zonerion beraber. Zonerion ve l'arn pe nure vel ve l'arn ba brogoen edad. Zonerion bon beraber. Da feze chom o bod hag a zonerien, me vid l'art d'un dud, bon vid dis ki n'en trao, vo l'art a zonerien. Bon, peon komz a zoner, jizmat, ba blada ou il roer, oa et en an angl, yo en gwernik, po de sker, hag oa barz a kanor, hag bremañ ur strelad la grande tribu, de la rade, Merd, Yuen Gwernig a go neubet vidionet, un jonge de rad, rad imban an tamp peso begret gantan, kan de nor model, hag n'un gret ur bladen diantan, handvet pedaden, a un jonge de der an ur trou, diwar kan oenou Yuen Gwernig. A der mad ne plus jad ur kled a Yuen Gwernig, hag a hez ne skrouet ur mod de gant o gant startigen hag à gorvoyer, c'est vel juste, hein, ils ont disparu, quoi. Bon, pe, when hont de l'arad, when hont de gombs de Roger Lawenand, puis dur, bah, blanc, vos gombs de calz de Brésil Persac, hag, vos grès trop, un drôle de zé, puis dur, quand l'assaut, ou abé de, krog de Brésil Spontus, hag amazo un den a neus labour d'oarze e Roger Lawenand. Hag neus skrive deja le verre a oarze a nevesso neus gred o lever war vreton neus obet taget gant an ezen ur gaz ma peuswan hag ma trezen peus beklev nan war gen ou RKB gant Jean-Pierre Guyada hag o labour dispar ve gred gant Jules Gouich gant Roger Lawenand. Hag war stern deus meus kleven deus o leverel roaz war arre zo be fuzul da gant vrancij na bon fuzier pour l'exemple vel vigelar da d'oulse hag bon braoui gwell an den vel Roger Lawenand der an labour war an dachen ze hag e bon di keda i koz roaz me a ye peru gant la même estra. Bon, pechon in oa dach en eus evenad, roaz, Myrdir Fawed en eus lid di gandla. Myrdir Fawed oa be krouet gant mer Fawed de Hulse, gant lasso. Hag bon, e deud de voud o Myrdi plus justré. Hag bon, kalz disk pouez adegou ve gret gantan. Gant Myrdiz. Bon, edel, bon, o bern traouz o bavro, war se, war un diskouezad ag zo, war un arzour yon ba brezel pevarz, ag juz mad, bazant konan, o un diskouezad ag el zo ba lokarn, war brezel perzek, hein, ive, hag bon, traouz vef ebet de l'ar, adouaz war zon erez, mais, Lorsque de vos évides en végène. Regardez, Eric. Tiens à vous. Tiens à vous.